Jaune, jaune. Figé, fiché. Cage, cache. Chou, joue. Joli, joli. Léger, léché. Potage, potage. Agile, agile. Gêne, chêne. Jute, chute.